dans le fournil, le boulanger prépare des seaux d'eau et des sacs de farine. Le marquis le regarde toujours. Mais tu vas pétrir. Ah non, monsieur le marquis. Oh non, ça, j'en aurais pas la force. Mais vous voyez, j'ai tout préparé, hein. Et si elle retourne et que ça s'arrange, alors je me remets de suite au travail. Bonjour, messieurs. Notre boulangère est en bas. Où? Au pied de la montée. Elle est avec le curé qui est en train de lui faire la morale. Ah, mais pas de la morale méchante, au moins. Ah, vous savez, les morales ne sont pas toujours très gentilles. Oui. Enfin, il la fait pas pleurer. Non, non, au contraire, il la console. Mais elle ne veut pas venir jusqu'ici? Oui, elle veut bien. Seulement, elle ne veut rencontrer personne. Elle a honte, alors elle attend la nuit. Elle a même dit que si elle rencontrait quelqu'un, elle s'en retournerait. Ah, c'est la pudeur. C'est la pudeur. Alors Casimir et Antonin sont allés avertir tout le village, et sitôt que la nuit sera tombée, ben, nous ferons rentrer tout le monde, et surtout les phares. Surtout. Moi, je vais lui faire chercher un cheval, parce que elle est très fatiguée. Un cheval? Peu cher. Elle en aura fait du cheval depuis hier. Et le berger? Oh, le berger, il a eu peur, il s'est sauvé à la nage. Ah, dites-moi, tout à l'heure, quand tout sera prêt, je donnerai deux coups de sifflet. Ce sera le signal. Merci, monsieur l'instituteur. Vous êtes bien aimable. Et allez vous changer. N'attrapez pas froid, hein? Merci, au revoir. Dites, monsieur le marquis, le berger s'y revient. Vous allez le reprendre? S'il revient, je l'enverrai dans mon mas de Camargue. C'est ça. Envoyez-le en Camargue. Il vaudrait mieux qu'il ne vienne plus chercher le pain ici. Il vaudrait mieux. Le cheval monte vers le village. L'instituteur tire un sifflet de sa poche et siffle trois fois.